Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle. Une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. Élection providentielle, deuxième édition de notre série consacrée aux thématiques de cette campagne électorale, en tout cas celle qui intéresse tout particulièrement les chrétiens. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui va nous occuper, l'Europe à laquelle les Français ont dit non le 29 mai 2005, et ce n'est pas le moindre des paradoxes français. Les deux candidats qui font la course en tête, eux, ont dit oui à cette Europe, pourtant refusée par le peuple. Autre paradoxe, tout le monde ou presque s'accorde à trouver nécessaire une Union européenne dans ce monde globalisé, mais l'Europe peine aussi à trouver un second souffle. 50 ans après sa fondation. Peut-être est-ce alors le bon moment pour se poser les questions essentielles. Quelle Europe voulons-nous? Qu'est-ce qui fonde l'identité européenne? Et puis, quelle part les chrétiens peuvent prendre à cette réflexion? Pour cela, nous avons avec nous ce soir Jean-Louis Bourlange. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'UDF et député européen. Vous êtes aussi politologue, éditorialiste, auteur de plusieurs essais politiques. Bref, plusieurs cordes à votre arc et vous défendez une ligne politique assez fine en matière européenne. En 2005, vous avez fait campagne pour le oui, mais vous n'hésitez pas à remettre quelques pendules à l'heure, notamment en ce qui concerne la Turquie. On y reviendra. Et puis nous serons tout à l'heure en ligne avec François Delacoste-Larémondi, qui représente la Fondation de Services Politiques, un groupe chrétien de réflexion qui s'est positionné en faveur du non. Pour vous interroger, je suis toujours en compagnie de Jean-Luc Mouton, de l'hebdomadaire Réforme, et puis de Jean-François Colosimo, éditeur et théologien orthodoxe, qui représente le site orthodoxie.com. Ceci étant dit, place à l'actualité politique de cette semaine, une actualité dominée par le discours de Ségolène Royal dimanche dernier à Villepinte, la démission fracassante du monsieur économie au PS, Éric Besson, on y reviendra peut-être. Auparavant, un détail que vous avez sans doute noté, Jean-Louis Bourlange, Ségolène Royal a commencé son discours en parlant de la dette publique. Dominique de Villepin a demandé, lui, au candidat de dire la vérité aux Français sur ce point. Est-ce que ça veut dire qu'on va enfin parler des vrais problèmes pendant cette campagne? Écoutez, s'agissant du discours de Madame Royal, le moins qu'on puisse dire est qu'il était étrangement conçu, puisque la première partie était consacrée à attirer l'attention du public et des Français sur la gravité de la dette, et ça embrayait immédiatement sur une série de promesses absolument ruineuses. Donc là, il y avait quand même ce qu'on appelle un hiatus. Et troisièmement, il y avait à la fin rien, mais rien de rien, sur le financement. Je crois que tout ça montre en fait une sorte de rupture dans le discours interne de la candidate socialiste. C'est-à-dire qui avait certainement initialement, au moment où elle s'est lancée dans la campagne et où elle a tordu le bras et éliminé les éléphants du parti, elle avait sans doute l'idée de faire quelque chose d'assez profondément nouveau. Peut-être ne savait-elle pas le faire, peut-être n'était-elle pas à la hauteur de l'ambition qui était la sienne, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle avait sans doute cette ambition. Et puis, à travers tous les couacs de campagne qui ont marqué ces dernières semaines, et à travers notamment, au-delà des couacs, la maladresse profonde qui avait été la sienne au moment où elle avait été choisie comme candidate, où elle n'a pas du tout offert, tendu la main à ses adversaires, Fabius et Strauss-Kahn, et où elle a, au contraire, et même Hollande d'ailleurs, qui n'était pas son adversaire, elle a donné le sentiment qu'elle n'avait absolument rien à faire du Parti Socialiste. Du coup, elle se retrouve aujourd'hui dans l'obligation de raccrocher les wagons du Parti Socialiste, et donc elle tient un discours catégoriel, démagogique, fondé sur des promesses, parce que c'est la condition non pas du rebond de sa campagne, mais simplement de sa stabilisation. Elle mène à chaud une entreprise visant à ressouder son lien avec le Parti Socialiste, parce qu'elle l'avait à froid laissé se distendre. Vous n'êtes pas tendre avec elle, hein. Vous avez dit notamment qu'il y avait du mérovingien dans cette femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, est-ce que ça inaugure un nouveau style d'homme ou de femme politique? Mérovingien, c'était... Moi, je ne considère pas du tout que c'est une injure d'être mérovingien. On y reviendra, ça date un peu, quand même. On y reviendra quand on évoquera les origines de l'Europe. Je crois que c'est autour du 5e siècle. siècle que l'Europe s'est constituée dans ses valeurs fondamentales. Et je crois, ça a été d'ailleurs défendu par des historiens sérieux, que tout ce qui s'est fait en matière de progrès a en fait été conçu à l'époque des Mérovingiens. Donc, je comprends que ça n'a pas l'air d'être très très flatteur. En réalité, ça n'est pas le cas. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'elle a, elle a procédé comme une barbare par rapport à l'héritage idéologique qui était la sienne, qui était le sien. Un peu comme, non pas seulement Clovis, qui était plus compliqué, mais comme l'ensemble des barbares qui ont envahi l'Empire romain. Elle ne respecte pas les usages en vigueur. Qui ont fait table rase d'une culture qui était d'ailleurs, dans le cas de l'Empire romain, une culture assez bloquante à travers l'esclavagisme, le prélèvement fiscal, tout un ensemble de choses. Ça empêchait en réalité les peuples de progresser, la société de progresser, ça tournait en rond. Donc, les barbares ont tout cassé, et sur cette base-là, il s'est produit quelque chose. Et ce que je voulais dire, c'était donc plutôt un compliment, mais un compliment dont je reconnais qu'il était... Il fallait l'interpréter. Il fallait l'interpréter pour y arriver. Enfin, je le disais dans l'article. Je disais que ce qui était intéressant, c'est qu'elle cassait toute une dogmatique socialiste. Eh bien, je doutais à la fin de l'article de sa capacité à mettre autre chose à la place. Et je disais que d'introduire simplement le désir à la place de l'idéologie, ce n'était pas une promesse de renouveau, c'était plutôt une promesse d'incohérence. Et maintenant, elle est obligée donc de ressouder son lien avec le Parti socialiste, tout en collant à sa stratégie du désir, et ça donne, à mon avis, un discours qui n'est rien d'autre qu'un catalogue de promesses catégorielles, au reste bienvenu. Pour Sarkozy ne fait pas la même chose ? Si, absolument. C'est le problème caractéristique des deux candidats dits principaux, c'est qu'ils ont choisi de faire de la politique à l'ancienne. Et je crois qu'ils ont tort. Ils ont tort non pas seulement parce que on se pose le problème de financement, les gens disent toujours est-ce que ça doit être financé ou pas, mais c'est plus profond. Je crois que les Français ont cessé de croire aux promesses qu'on leur faisait. Ils ont compris que la politique qui faisait alterner le temps des promesses et le temps des trahisons, le temps du rêve et le temps de la désillusion, le temps de l'illusion et le temps du mépris, qui est caractéristique de la politique française depuis très longtemps, depuis pratiquement l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, ce qu'on peut dire que, allez, avant Giscard, Pompidou, De Gaulle, c'était autre chose comme façon de faire de la politique. Cette politique-là, il n'y croit plus. Donc je crois que c'est pas simplement un problème de financement, c'est un problème du discours tenu par les candidats dans une campagne électorale. Aujourd'hui, on attend autre chose que des promesses dont chacun reconnaît qu'elles sont plutôt sympathiques, et les Français, ne, je crois, même s'ils méprisent un peu leurs hommes politiques, ne leur attribuent pas une malignité telle qu'ils contesteraient leur volonté de bien faire. Mais la question est autre. La question est comment on fait, que peut-on faire, quelle est la stratégie, quel est le chemin, quel sacrifice faut-il faire, quelle priorité faut-il établir. Et là, silence radio, nous en sommes toujours à la démagogie de gauche consistant à dire plus de dépenses publiques et à la démagogie de droite consistant à dire moins de prélèvements obligatoires, la combinaison des deux faisant une accumulation de déficits et de dettes qui devient vraiment vertigineuse. D'où la question du troisième ou du quatrième homme, alors, Jean-Luc Mouton. Avant de parler du troisième homme et de l'UDF et de votre candidat François Bayrou, revenons un instant sur le candidat Sarkozy. Sarkozy a fait un peu l'inverse que vous décriviez par rapport à Ségolène Royal. Il est parti d'un lieu un peu étroit, en se situant comme atlantiste, comme plutôt libéral, en disant voilà, je ne ferai que ce que je promets. Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'il élargit beaucoup son discours par l'intermédiaire de ce monsieur Guénot vers des thèmes de la fracture sociale. Enfin, il brasse de plus en plus large, cité Jaurès, Blum, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas dans la stratégie de Sarkozy, et qui semble marcher, quelque chose qui se situe à l'inverse de ce qu'a fait Ségolène Royal, et qui là, pour le coup, malgré ce que vous disiez à l'instant, l'opposition fonctionne. Sarkozy marche, a l'air de marcher assez bien dans l'opinion. Nicolas Sarkozy caracole à des niveaux assez impressionnants en termes d'opinion. Ça, j'en suis tout à fait d'accord. Personnellement, je crois que ça ne tient pas. Enfin, ça tient que partiellement à ce que vous dites. Je pense que effectivement, Sarkozy a très mal commencé, notamment en affichant une sorte de solidarité avec non seulement avec les États-Unis, ce qui était assez bienvenu, car les États-Unis sont nos alliés, mais avec la politique de Bush et des néoconservateurs, ce qui était catastrophique. D'autre part, il a cultivé des thèmes qui étaient libéraux et des thèmes qui étaient même, pour parler un langage des années 30, un peu plutocratique, un peu favorable aux puissances de l'argent, comme dirait Madame Royale. Eh bien, et ça, c'est très mauvais. Regardez ce quelqu'un d'aussi intelligent et imaginatif qu'Alain Madelin a fait lors des élections précédentes, je ne sais plus, enfin 2-3%. Oui. Donc c'était une base tout à fait étroite. Et il a eu raison, me semble-t-il, de vouloir l'élargir. Mais deux observations me paraissent devoir corriger un peu cette appréciation. Premièrement, je regrette que ce faisant, il est embrayé sur des thèmes qui me paraissent profondément régressifs et qui sont précisément les thèmes popularisés par M. Guénot, adversaire de la construction européenne, dénonciation de la Banque Centrale Européenne, ce qui est une absurdité, car les problèmes que nous avons en France sont des problèmes français, et la politique de la Banque Centrale, notamment visant à maintenir la valeur du franc et des taux d'intérêt peu élevés, c'est certainement quelque chose qui nous permet notamment de ne pas souffrir trop de la dette, et en tout cas qui n'interdit pas à d'autres pays voisins, comme l'Allemagne, d'exporter. Donc les problèmes sont chez nous, et c'est une facilité et une facilité régressive sur le plan pédagogique que de dire aux Français, ne vous en faites pas, c'est pas vous qui êtes en cause, c'est pas l'économie française qui va pas, nous on est les meilleurs, simplement on a des espèces de diables situés à Francfort et qui vous empêchent de profiter de ça. Donc je crois qu'il y a eu une régression. Et puis troisièmement, il y a ce qui est toujours le péché mignon de Nicolas Sarkozy, une formidable inflation. Alors, j'avais dit commentant son discours, j'avais dit cité, je ne sais pas, c'est Bernard Poignant qui avait cité le chiffre, je crois, 46 personnages historiques, dont, si vous permettez, Jésus-Christ, qui... Non, les moines de Tibérine, c'est qui était... Et j'avais dit que seul Napoléon Bonaparte et Pierre Mendès France étaient fait excuser. Bon, alors on a moqué, on a Jaurès. Bon, qu'est-ce que ça signifie en réalité? Pour l'instant, on ne le voit guère, on voit, et je crois que c'est la grande qualité de Sarkozy, une énergie, une volonté de changer les choses, donc quelque chose que personnellement je considère comme positif, mais une énergie et une volonté de changer les choses qui s'applique de façon désordonnée, agitée, et qui notamment fait une contre-pédagogie complète. Quand vous dites que vous allez baisser de 4 points en 5 ans les prélèvements obligatoires, et que vous songez que Madame Thatcher, et à quel prix, a baissé en 8 ans dans son pays les prélèvements obligatoires de 2 points, vous voyez que là, on est vraiment difficile. Je n'irai pas dans le mensonge par charité chrétienne, mais en tout cas dans l'illusion. Alors Jean-Louis Bourlange, il y a la surprise de cette campagne, c'est la percée de François Bayrou. Ça ne surprend que vous. Vous allez nous le dire. Ça ne surprend pas, mais c'est son idée, c'est d'espérance. Voilà, il renvoie un peu dos à dos la droite et la gauche. Est-ce que cette idée de grand rassemblement au centre, comme c'est le cas d'ailleurs en Allemagne ou en Italie, plaît aux Français, et est-ce que les Français sont prêts à ça? D'abord, moi j'ai toujours pensé que François Bayrou était confronté à un très difficile dilemme institutionnel, car nos institutions sont bipolaires et fabriquent donc une opposition droite-gauche. Et j'ai pensé, je vous plaisantais un peu, mais en réalité, moi-même, je l'ai dit, je considérais que le pari sur lequel il se lançait était extrêmement audacieux, que la voile, que la porte, disons, était vraiment étroite. Bon, mais parallèlement à cette difficulté, j'ai toujours pensé, parce que je connais bien, j'allais dire l'animal, je connais bien l'homme, l'ami, je vois bien comment il fonctionne. J'ai toujours pensé qu'il avait des qualités fondamentales de président et qu'il y avait une sorte de contraste entre l'étroitesse de son champ de bataille institutionnel et la force de son caractère. Alors, quelles sont ses qualités? Je crois que c'est un enracinement dans le territoire, dans la culture, dans le peuple français, qui est quelque chose que les gens ressentent. Il y a une proximité et une fidélité à ce qu'il y a à mon avis, peut-être que les gens ne raisonnent pas comme ça, mais je suis comme lui professeur de lettres originellement, et fidélité à ce qu'il y a de meilleur dans une tradition française intellectuelle, culturelle, qui, France mère des arts, des armes et des lois, des armes j'en sais rien, mais des arts et des lois, c'est important. Et deuxièmement, et c'est peut-être ça que perçoivent les Français, et qu'ont perçu les Français à l'émission de France 2 hier, c'est une personnalité de rassemblement. Je ne parle pas de rassemblement politique, droite-gauche, etc. Mais en réalité, il est au point d'équilibre de la société française, ce qui fait que François Bayrou est une personnalité fondamentalement rassurante. Alors que Madame Royal est une personnalité qui inquiète par son insuffisance, qui est de plus en plus évidente par rapport à la fonction qu'elle voudrait exercer, et que Nicolas Sarkozy inquiète par une sorte d'activisme un peu désordonné. Donc je crois que nous avons deux candidats à droite et à gauche qui, si j'ose dire, c'est quasiment un jeu de mots, ne rassurent qu'à moitié. C'est-à-dire qu'ils rassurent leur camp, ils ne rassurent pas la France. Alors que François Bayrou, je crois, apparaît comme un homme qui est en empathie profonde avec le cœur de la société française. Alors transformer ça en victoire politique, ça, c'est pas une mince affaire. Ouais. On écoute un peu de musique, on se retrouve juste après pour parler d'Europe. Radio Notre-Dame. Je suis parti d'un bout du monde. J'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. J'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. Sous la paupière, tellement de forêts abattues. Même sous la mitraille et le fer, moi je leur ai rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. C'est pas la croix, pas la manière. Depuis la terre, on y revient. Moi j'ai un orgue de barbarie et je vais pourrir leur pays. C'est pas avec la bombe atomique. C'est pas avec la Tour de France. Ils me mettront de leur côté, j'aurai fini ma croissance. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. Schengen par Raphaël, nous parlons d'Europe dans cette émission spéciale présidentielle, élection providentielle, donc deuxième série consacrée à l'Europe avec Jean-Louis Bourlange, vice-président de l'UDF et député européen. Et puis nous serons en ligne tout à l'heure, à l'instant, avec François de Lacoste-Larémondi, vice-président de la Fondation de Services Politiques, qui s'est prononcé pour le non au référendum en 2005. Alors, Jean-Luc Mouton, en janvier 2008, la France prendra la tête de l'Union européenne. Le futur chef de l'État français aura donc un rôle essentiel dans la relance du projet européen. Quelles sont brièvement les propositions des différents candidats à cette élection présidentielle concernant l'Europe ? Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est quand on fait comme moi, on s'amuse à passer de site en site de sous ces candidats, on est un peu surpris par la relative discrétion, sinon absence, de débats sur l'Europe. Il y a très très peu de choses. Si vous cliquez toutes les sur les entrées, vous pouvez proposer ça aux auditeurs, vous verrez qu'on a du mal à trouver quelques éléments, à part sur le site de François Bayrou ou sur l'UDF, où effectivement il y a toute une documentation assez précise. Alors, cette remarque est en fait, rapidement, parce que le fond du débat autour de l'Europe aujourd'hui, il est, bien entendu, vous parlez de 2008, mais on est toujours sur l'échec du référendum 2005. Donc la question, c'est comment relancer l'Europe, comment en sortir, comment progresser et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors on en reparlera avec Jean-Louis Bollange, mais globalement, tous les candidats se prononcent là-dessus. Alors, Ségolène Royal, par exemple, elle préconise un nouveau traité simplifié et ratifié par les parlements, par tous les parlements européens, ce qui est une manière aussi de sauter un peu le problème. Enfin, ça, on y reviendra. Donc, au début, elle parlait d'accompagner un nouveau référendum. Aujourd'hui, on ne sait pas trop s'il faut faire un accord simplifié, un nouveau traité simplifié, que tout le monde ratifierait ensemble. Là, il y a un peu une ambiguïté. Elle insiste sur l'Europe sociale, bien sûr, et elle veut réformer la Banque centrale. Nicolas Sarkozy, lui, il veut un nouveau traité qui soit très proche du texte présenté en 2005, mais extrêmement simplifié et portant sur les seules questions institutionnelles. Et il veut le présenter rapidement et qu'il soit ratifié par le Parlement. C'est la Constitution moins. Hein, voilà. Et il ne veut plus recommencer le référendum. Alors, M. Bayrou, François Bayrou, on y reviendra, mais lui, il aborde régulièrement le sujet. Il a fait un discours à Strasbourg la semaine dernière sur ce thème-là. Il propose la rédaction d'un nouveau texte. Et il veut que ce texte-là soit adopté par référendum. Il maintient cela. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose la fameuse Europe des cercles, celle qui est chère à Mitterrand. Il reprend cette idée-là d'une Europe large qui serait fondée sur la vocation commerciale et puis une Europe socle qui pourrait intervenir politiquement. Donc, c'est un peu ce que disait Mitterrand, mais c'est ce que reprenait aussi il y a quelque temps Fabius. Donc, c'est intéressant ce thème-là. On y reviendra avec M. Bollange. M. Besancenot parle, lui, d'harmonisation des droits sociaux, d'une citoyenneté européenne basée sur un droit de résidence, mais on n'a pas l'impression qu'on veut revenir sur le référendum. C'est fait, il faut passer à autre chose. Madame Voynet s'attarde, elle, sur le refus de la directive Bolkestein. Elle revient là-dessus, il ne faut surtout pas bouger cette question-là, il ne faut pas du tout y revenir. Et quant à Madame Buffet et Monsieur Beauvais, ils étaient hier soir à la télévision, on parlait de cette émission, et ils veulent, eux, reconstruire ce qu'ils appellent une Europe des citoyens, c'est pas bien comment, mais donc en passant par-dessus le référendum, par-dessus la Constitution, qui ne serait pas reprise. Et ils veulent donner aux citoyens européens un droit de censure des décisions de Bruxelles par rapport à ce qui se passe à Bruxelles. Et ils défendent avant tout ce qu'ils ont dit hier soir très unanimement, les services publics, et ils dénoncent toujours unanimement les dérives libérales de l'Union européenne. Voilà ce petit tour d'horizon. Je ne sais pas ce qu'en dit Jean-Louis Bollange. En deux mots, et puis on va entrer dans le débat avec François de Lacoste Larémondi. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la Fondation de Services Politiques. Oui. Donc une association chrétienne qui s'est prononcée pendant la campagne de 2005 pour le non à la Constitution européenne. Question que je vous pose à tous les deux, François de Lacoste Larémondi et Jean-Louis Bourlange. La question, est-ce qu'elle est aujourd'hui plus ou moins d'Europe, ou est-ce qu'elle est comment relancer l'Europe et sur quel projet mobilisateur? Le dernier étant soumis donc à ratification, n'a pas eu l'heure de plaire aux Français et aux Néerlandais. Peut-être qu'on commence par vous, François de Lacoste Larémondi, quel est votre sentiment là-dessus? Oui, alors, il est clair que la France ne pourra pas faire l'économie de l'élaboration d'une position. Ses partenaires l'attendent. Le non a été voté, une majorité suffisamment nette pour que l'on ne puisse plus passer par perte ses profits, mais cela ne veut pas dire qu'on s'arrête là. Et nos partenaires ont raison d'exiger que la question soit rouverte sur de nouvelles bases, me semble-t-il, et je crois qu'ils y sont prêts, même si chacun place ses pions et essaye de renforcer sa main. Mais il est clair qu'on ne peut pas en rester là, pour à la fois parce qu'il y a une dynamique européenne qui est nécessaire et que l'Europe a un ensemble de valeurs positives qu'il convient de conforter, voire de renforcer, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de dérives dont on a pris conscience à l'occasion du référendum, un certain nombre de débordements ou d'excès ou d'incertitudes qu'il faut absolument lever. Ces incertitudes, elles portent sur effectivement le périmètre de l'Europe. L'Europe, ça va jusqu'où? C'est un espace indéfini. Qu'est-ce qu'on fait de la Turquie? Il est clair que la question turque a pesé sur le résultat. Mais pas seulement. Il y a manifestement une question qui se pose sur l'articulation des compétences entre la structure centrale et les États, et la façon dont cette structure centrale a tendance à empiéter de façon plus ou moins subreptice. On pourrait revenir, même si c'est un peu technique, c'est important, cette question-là doit être traitée et clarifiée. Il y a aussi une question importante sur la contribution de l'Europe à la paix dans le monde, à commencer par la paix à ses frontières. C'est-à-dire l'échec de l'Europe en Yougoslavie est encore présent dans les esprits. Si l'Europe ne répond pas aux attentes du monde, il y a là vraiment une interrogation à se poser. Est-ce qu'on s'en tient à une zone de libre-échange, ou bien est-ce qu'on veut lui donner un corps politique qui ait un sens et qui soit autre chose que l'avalanche réglementaire à laquelle nous sommes soumis? Je crois qu'il y a tout ça dans le nom. J'ai entendu tout à l'heure le commentaire que vous avez fait des différentes propositions des candidats, à l'exception de François Bayrou, et c'est notable. C'est clair que là, le silence des candidats ou la façon dont ils traitent les choses un peu par prétérition, en escamotant le sujet parce que c'est un sujet difficile où les clivages passent à l'intérieur de tous les partis, ce silence n'est pas de pas très bonne loi, parce qu'on va se retrouver au pied du mur dans 6 mois et on ne saura pas très bien quoi faire, et on se retrouvera ensuite devant une négociation qui nous échappera, comme elle nous a un peu échappé précédemment, avec l'obligation d'aller ratifier un nouveau texte parce qu'il y aura forcément quelque chose. On ne pourra pas faire l'économie d'un référendum. Là-dessus, je suis d'accord avec ce que disait François Bayrou dans son discours de Strasbourg. C'est très clair. On ne peut pas essayer de s'esquiver par le Parlement alors que la question engage la communauté nationale au plus profond d'elle-même. Donc, si on veut éviter un nouvel échec, et là, il serait grave, il faut absolument qu'on clarifie toutes ces questions et qu'on commence à le faire maintenant. Parce que moi, je suis comme beaucoup d'un peu frappé de ce silence qui n'est pas de bon signe. Et donc il faut ouvrir la question. Et en tout cas, nous, la Fondation de Services Politiques, nous ne l'esquiverons pas. Alors, que les choses soient claires à propos de notre position sur le nom, elle était peut-être un peu atypique parmi les autres. Ce n'est pas un nom souverainiste ou un nom incantatoire ou un nom archéo dépassé sur des idées socialistes. Non, on avait regardé de façon approfondie le traité. On avait vu un certain nombre de points qui posaient de vrais problèmes, notamment sur les fondements européens. On va y revenir, François de Lacoste, l'a répondu. Voilà. Mais donc, c'est tout cela qu'il faut aborder. Je pense que d'ailleurs avec Jean-Louis Bourlange, on trouvera des convergences et des différences, c'est normal. Alors Jean-Louis Bourlange, justement, les convergences, est-ce qu'il faut faire un nouveau traité sur une nouvelle base? Si vous me permettez que je dise d'abord un mot sur ce que vous avez dit sur le positionnement des candidats. Je crois que la grande différence entre l'UDF et les autres, c'est que l'UDF est dans son ensemble pro-européen, même si il y a un parlementaire, d'ailleurs tout à fait éminent, Jean-Christophe Lagarde, qui a appelé à voter non. Nous étions unanimement pro-européens, et Lagarde aussi. Alors que, très fondamentalement, la droite et la gauche sont séparés, pas seulement séparés sur la Constitution, parce que je comprends très bien qu'on soit pro-européen et qu'on ait voté non à la Constitution. Selon moi, c'est une erreur stratégique, mais c'est très compréhensible. Et donc, les candidats, M. Sarkozy d'un côté et Mme Royal de l'autre, sont amenés à esquiver un problème parce que ça leur pose question. Et donc, et c'est lié au clivage droite-gauche. Le clivage droite-gauche est un clivage artificiel sur le plan européen qui oppose donc des gens qui sont d'un côté pro et anti-européen, de l'autre anti et pro-européen. Et de ce point de vue-là, il y a un lien entre la démarche de François Bayrou visant à casser la droite et la gauche et l'insistance qu'il met sur le projet européen, considéré comme un projet qui doit surplomber l'avenir. Car notre conviction profonde à l'UDF et celle de François Bayrou, c'est que soit nous réussirons à faire l'Union européenne et les Européens et les Français pèseront sur le destin du monde, défendront leurs valeurs, leurs intérêts et contribueront à préserver la paix, soit on ne le fera pas et on sera liquidé. Donc c'est la priorité que nous accordons à l'Europe qui conditionne partiellement le discours sur la droite et la gauche qui est celui de... Mais Jean-Louis Bourlange, la question posée par le non au référendum, c'est est-ce que l'Europe peut se faire sans un assentiment, sans un élan des peuples. Oui, je crois que vous avez raison et je pense que là, je vais répondre après votre question précédente, mais je pense que la position de François Bayrou est très claire. Il s'est produit à travers le référendum, le vote majoritaire du non au référendum, une sorte de rupture entre le peuple français et le projet européen tel qu'il lui était présenté. Et ça, on ne le passe pas à perte et profit, selon l'expression que vient d'employer M. Lacoste-Larémondi. On ne le passe pas par perte et profit, mais, et donc, ce qui a été fait, ce qui a été défait par le référendum, ne peut être fait à nouveau que par le référendum. Il y a ce que les juristes appellent un parallélisme des formes qui est nécessaire. C'est là notre distinction. Et avec M. Sarkozy qui lui dit « on fait un mini-traité, on emballe tout ça et on n'en parle plus ». C'est véritablement « moins on en parle, mieux je me porte ». Et c'est aussi une différence avec Madame Royal, ou du moins avec la moitié de Madame Royal, puisque les jours pairs, elle est pour le référendum, et les jours impairs, oui, elle est contre. Oui, ça a changé, effectivement. Jean-Luc Bouton. Jean-François Colosimo, et puis François de Lacoste, la Raymond. Est-ce qu'il ne vous semble pas tout de même que le non-référendum a cassé cette espèce d'optimisme européiste, comme quoi l'Europe doit se faire, comme quoi elle se fera? Et deuxièmement, si la droite et la gauche sont divisées, est-ce que vous ne pensez pas non plus que les européistes sont très divisés? On l'a vu sur l'entrée de la Turquie ou non en Europe. On n'a jamais su vraiment ce que c'était que l'Europe des européistes. Si c'était une utopie, si c'était le monde entier, si c'était quelque chose qui avait des frontières, si c'est quelque chose qui n'en avait pas, quelque chose qui avait une identité ou qui n'en avait pas. Donc je trouve que les européistes ne vont pas mieux que les anti-européistes, au fond. Réponse de Jean-Louis Bourlange. C'est une question qui m'est indifférente. La question est de savoir si on veut faire l'Europe ou pas. Mais qu'est-ce que c'est que l'Europe? Ben, je vais vous donner ma réponse et la réponse de François Bayrou, parce que je crois que je suis... Je parle de façon autorisée sur ce point, pas sur tous, mais sur ce point, assurément. D'abord, je crois que, pour répondre à votre question précédente sur est-ce qu'il faut relancer un traité, il faut bien partir de l'idée que on ne fait pas un traité tout seul. Et personnellement, j'ai toujours pensé que ceux qui étaient pro-européens et qui avaient voté non, si c'était très légitime de leur part de le faire, commettaient une erreur stratégique, car il serait extrêmement difficile de faire un plan B. Nous n'avons pas eu de plan B depuis 2 ans, et maintenant, nous voyons bien que ceux qui préconisent comme nous, et c'est important que nous préconisions la relance à travers une conférence intergouvernementale d'un traité européen, eh bien, aussitôt, les Britanniques, qui s'engagent dans un cercle, dans un cycle profondément eurosceptique, avec le remplacement de Blair par Gordon Brown et l'arrivée de M. Cameron, David Cameron, très eurosceptique, à la tête du Parti conservateur. Les Polonais, pour ne citer que ces deux pays, qui ont marqué leur opposition radicale à tout traité améliorant le traité de Nice, nous voyons bien que là, nous ne sommes à la peine. Ce sont les vrais vainqueurs du non, finalement. Et non français. Et que nous aurons d'extrêmes difficultés, oui. Et que nous aurons d'extrême difficulté. Le non a été gagné par les souverainistes, même s'il y a eu des partisans du non qui étaient hyper européens et même hyper fédéralistes. Stratégiquement, le non a été gagné. Les Néerlandais, c'est le non néerlandais qui domine et pas le non français. Le non néerlandais, c'est un non libéral et souverainiste. C'est l'idée qu'il faut moins... Donc on est dans une situation difficile. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Colosimo sur le fait que nous sommes allés, pas nous, à l'UDF, on n'a pas... Moi, j'ai pas cessé de plaider pour la clarification des choses. Depuis Maastricht, les chefs d'État européens, dont je rappelle qu'ils ne sont pas pro-européens. Vous n'allez pas me dire que M. Chirac, que M. Blair, que M. Aznar ou que M. Berlusconi, qui sont ceux qui étaient en charge de l'Union européenne au cours des 15 dernières années, aient été des militants européens. Le problème, c'est qu'on a fait faire l'Europe par des gens qui n'étaient pas attachés au projet européen et qui ont donc refusé de poser les 3 questions clarificatrices essentielles qui sont celles que vous évoquez, M. Colosimo. Premièrement, qui a vocation à rentrer dans l'Union européenne? Est-ce que ce sont ceux qui sont les héritiers d'une civilisation européenne géographiquement et historiquement constituée? Vous répondez oui. Moi, je réponds oui. Ou tous les peuples qui, les ouvriers de la 11e heure, si je puis dire, qui adhèrent aux valeurs enfantées par l'Europe. Et là, c'est évidemment le problème de la Turquie. Et ce n'est pas la même Europe que l'on fait. Ce n'est pas la même Europe. D'un côté, on fait une Europe qui peut être un acteur politique. De l'autre, on fait une super organisation internationale. Deuxièmement, quoi ? Que voulons-nous faire ensemble ? Question très simple, est-ce que nous voulons faire de la politique ou pas ? C'est la question. Et troisièmement, comment ? Par quels moyens institutionnels et budgétaires ? Alors Ce que nous disons, c'est qu'effectivement, la Constitution, et c'est sans doute l'une des raisons, pas la seule, en tout cas en France, c'est l'une des raisons principales pour laquelle elle a été rejetée, ne clarifiez pas. Selon moi, elle l'améliorait très sensiblement par rapport au traité de Nice, et donc le oui se justifiait fonctionnellement, mais on ne dérange pas le peuple sur une amélioration marginale d'un traité. Le peuple voulait avoir des réponses aux questions centrales que je viens de rappeler avec M. Colosimo. Et alors, donc, maintenant, on en est là. Alors, soit on doit relancer le processus. Pourquoi ? D'abord parce que les Allemands nous le demandent. Et nous devons absolument, en termes stratégiques, refonder le couple franco-allemand. Nous avons lâché les Allemands dans cette affaire. C'est ça la signification du non aussi en termes géopolitiques, c'est qu'on a laissé les Allemands tout seuls avec la Constitution. Il faut donc que nous démontrions politiquement notre bonne volonté, et puis après. Après, soit on aboutit, ce sera très bien, soit, ce qui me paraît plus probable de vous à moi, on n'aboutit pas, et à ce moment-là, on arrive au schéma décrit par François Bayrou, c'est-à-dire l'articulation de deux unions européennes, de deux projets différents, un projet de zone économique très large et juridiquement régulée, et là peut-être d'ailleurs la Turquie pourrait en faire partie, c'est à discuter, et de l'autre un véritable acteur politique structuré, centré, mené initialement par le couple franco-allemand, organisé à partir de la zone monétaire, de la zone euro, et acceptant vraiment de faire de la politique. Simplement, et je termine, simplement, ça signifie que les Allemands veuillent faire quelque chose, ce n'est pas sûr, et ça signifie que les Français sachent ce qu'ils veulent. Ce sont les deux incertitudes. Nous devons faire preuve de bonne volonté, nous ne devons pas mépriser nous autres, nous ne devons pas mépriser le peuple français, nous devons faire preuve de bonne volonté, nous devons faire preuve d'imagination, et nous devons proposer une nouvelle organisation de l'Union européenne si on veut que celle-ci atteigne les grands objectifs historiques qui sont les siens. Jean-Louis Bourlange, on marque une courte pause musicale, et puis on revient sur cette question européenne avec aussi les fondements de l'identité européenne, la question des racines chrétiennes. Radio Notre-Dame. William Scheller, les machines absurdes, élection providentielle, troisième partie. Nous parlons de l'Europe, toujours en compagnie de Jean-Louis Bourlange, vice-président de l'UDF. Et puis nous sommes en ligne avec François de Lacoste-Larémondi, le vice-président de la Fondation de Services Politiques. Alors, François de Lacoste-Larémondi, la question des racines chrétiennes a été posée au moment de la Constitution. Cette Constitution a été refusée par les Français et les Néerlandais. Est-ce qu'à votre avis, cette question-là, les questions des fondements de l'identité européenne, elle se repose aujourd'hui, elle peut être reposée, vous qui êtes donc une association chrétienne qui avez milité pour cette question-là? Alors, avant de répondre à votre question, je vais reprendre les trois plans qu'esquissé Jean-Louis Bourlange pour qu'on nous suive bien. Rapidement, s'il vous plaît. Juste pendant 30 ans, on ne nous a guère parlé que du comment. On a focalisé l'attention des États et des peuples sur le comment. Et à force de faire du comment, les gens se sont embrouillés et le concept même de l'Europe s'est noyé dans une espèce de flou indistinct qui s'est terminé, comme on l'a dit. Jean-Louis Bourlange a raison de poser les deux questions préalables, qui sont premièrement qui et deuxièmement quoi. Et quand on pose les questions avec le qui et le quoi, on débouche immédiatement sur ce concept de racine chrétienne, qui n'est pas simplement un coup de chapeau historique. Si ça n'était que ça, ça n'aurait pas d'intérêt. Parce qu'elle définit, cette question des racines chrétiennes définit véritablement une identité chrétienne. C'est elle qui permet de dire avec qui on veut travailler, avec qui on veut s'unir. Et c'est elle qui permet de dire pourquoi faire. Si c'est simplement pour faire un grand aréopage de pays démocratiques, il n'y a pas de raison de faire l'Europe. Toutes les grandes instances internationales y suffisent. Donc la question des racines chrétiennes, ce n'est pas simplement un coup de chapeau à l'histoire, c'est aussi un concept anthropologique, c'est un contenu aux droits fondamentaux, c'est une référence aux droits naturels qui, en filigrane, doit transparaître et donne de la substance au concept d'Union européenne. Que cette substance aboutisse à définir des cercles concentriques, ça me paraît à peu près inévitable. Et je suis là aussi d'accord avec ce que faisait observer Jean-Louis Bourlange, c'est-à-dire que viendra un moment, et je crois qu'il est venu, où la clarification nous conduira à définir une série, alors on appelait ça l'Europe à géométrie variable si l'on veut, on peut la définir en cercle concentrique si l'on veut, c'est une question de mots, mais la substance des choses est là, il y a des degrés d'intégration d'union en fonction de l'espace que l'on veut régir, de l'inspiration sous laquelle on se met et des politiques que l'on veut conduire, qui est tout à fait nécessaire. Et c'est, me semble-t-il, le seul moyen de parvenir à une clarification pour faire en sorte que l'Europe, sur les domaines où on l'attend dans le monde, je pense notamment au maintien de la paix et à ses frontières, ait une existence et soit pas simplement un wagon à la remorque de je ne sais quel train, qui d'ailleurs déraille assez régulièrement, on le voit tous les jours, hélas, dans les affaires du Proche-Orient. Et donc, je suis d'accord sur ces deux questions et je pense qu'on ne peut les aborder et qu'on ne peut les traiter qu'en ayant présente à l'esprit cette référence aux racines chrétiennes. Alors, la Fondation de Services Politiques avait été à l'origine, il y a 4 ans, de cette pétition sur les racines chrétiennes qui avait recueilli 1 400 000 signatures à l'échelle européenne, excusez du peu. S'il se fût agi d'autre chose, je pense que tout le monde en aurait tenu compte. Là, curieusement, personne n'a voulu le faire, malgré l'ampleur de la mobilisation que cela décelait. Alors, je pense qu'il faut y revenir. Alors, justement, François de Lacoste-Larémondi... Les blocages sont en train de se lever, notamment en France, parce que la France a été, hélas, notre gouvernement... On va poser la question à Jean-Louis Bourlange. Celui qui a bloqué le plus. Donc là, les données sont en train de changer. Et il est important que nous reprenions notre bâton de pèlerin sur ce sujet pour refonder l'Europe sur les bonnes bases. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François de Lacoste-Larémondi. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fondation de Services Politiques. Alors, réponse de Jean-Louis Bourlange sur ce point. Est-ce qu'on peut refonder une Europe avec des cercles concentriques sur cette base-là. Une petite, deux précisions. D'abord, je ne crois pas qu'une zone de libre-échange organisant les relations économiques entre des démocraties soit quelque chose de secondaire. Je suis d'accord sur ce point avec Michel Rocard quand il dit que la contagion démocratique, l'attraction du modèle démocratique que représente ce type d'Europe et ce type d'entreprise est quelque chose de très très positif. Et si à travers ça nous pouvons notamment offrir des perspectives de beaucoup plus humanistes et beaucoup plus démocratiques aux pays de la Méditerranée, du sud de la Méditerranée, ce sera très positif. Donc ne considérons pas que c'est simplement une zone commerciale. C'est un projet de rassemblement d'États démocratiques qui décident de mettre en commun leur production, leurs échanges, et tout ça étant organisé de façon juridiquement régulée. Mais donc ça ne suffit pas. Non, bien sûr, c'est simplement une communauté de valeurs. Se pose alors la question tout à fait centrale, qui est de savoir sur quoi, si on veut faire des acteurs politiques, si on veut faire de l'Union européenne un acteur politique, il faut évidemment qu'il y ait un lien très profond. Entre ces acteurs. Ce lien très profond, il me semble qu'il est civilisationnel. Quand Erdogan a rencontré, le Premier ministre turc a rencontré François Bayrou, il lui a dit « il faut que l'Europe soit un carrefour de civilisation ». Et Bayrou lui a dit « non, il faut que l'Europe soit l'expression d'une civilisation dans le cadre d'un dialogue entre plusieurs civilisations ». Un club chrétien, en clair ou... alors, attention. Ça, c'est encore notre sujet. Hein. Le club chrétien, l'origine chrétienne, je crois qu'il faut placer ça en perspective. D'abord, on ne va pas, il ne faut pas réveiller la querelle de la laïcité. Pourquoi ? Pour une raison qui est centrale. C'est que, comme l'a très bien montré Jacques Le Goff, la laïcité et le développement de l'Église, des Églises chrétiennes, ont partie liée. Historiquement, la laïcité, l'autonomie du pouvoir temporel, du pouvoir spirituel et du pouvoir de l'esprit, pour reprendre les trois ordres de Pascal, c'est quelque chose qui vient de loin, qui vient de Saint-Augustin au moins, sinon de l'Évangile, et qui crée des conditions très particulières de développement à l'Europe. Alors, il s'agit vraiment pas de recommencer cela. Et ce qui est évident, 1 400 000 ont signé pour une référence si c'est une référence aux racines chrétiennes, ça ne devrait pas poser de problème. Moi, j'y adhère volontiers. C'est ressenti par d'autres comme l'idée que, à cause notamment des Polonais, pour qui la religion catholique fait partie intégrante de l'ordre constitutionnel, c'est ressenti comme autre chose. C'est ressenti comme une adhésion au christianisme d'aujourd'hui. Or ça, je suis formel sur ce point, vous ne pouvez pas demander aux Européens, à l'Europe, de se constituer sur la base de gens qui vont aujourd'hui à la messe. Jean-François Colosimo. C'est pas vrai, je finis juste. En revanche, vous devez assumer, nous devons assumer, pour former une communauté politique, l'idée que nous sommes les héritiers d'une civilisation d'un héritage de 15 siècles. Pourquoi le 15 siècles ? Parce que c'est la fusion entre l'héritage judéo-chrétien, judéo-chrétien d'un côté, et l'héritage gréco-romain, dans une synthèse, nous évoquions les Mérovingiens au début de cet entretien, qui va donner naissance à toutes les valeurs. La création des États-nations, le progrès, l'aventure de l'esprit, la séparation du temporel et du spirituel, toutes les choses qui caractérisent en propre l'aventure européenne et par rapport auxquelles les civilisations qui nous entourent, et notamment le monde islamique tel qu'il s'est constitué, mais les religions évoluent. Hein, la religion chrétienne n'est pas celle qu'elle était au XIIIe siècle, et la religion juive n'est pas celle qu'elle était au XVIIIe siècle. Mais en tout cas, telle qu'il s'est constitué, ce sont des civilisations qui se sont fondées sur d'autres principes. On ne peut qu'apprécier le talent avec lequel Jean-Louis Bourlange nous trace un peu cette Europe idéale qui ne me semble pas du tout correspondre à son cheminement historique. Voyez, quand même, je veux dire, l'Europe que vous nous décrivez, au fond, hein, c'est l'Europe carolingienne. Non. C'est l'Europe, la France, l'Allemagne, le Benelux, la Lombardie, la Catalogne. Géopolitiquement, oui. Oui, géopolitiquement, c'est l'Europe carolingienne. Et si vous voulez, par rapport à cela, on ne peut pas dire du tout que dans cette Europe, dans cet héritage de cette Europe latino-barbare qui naît de la fin de l'Empire romain, on ne peut pas dire que la laïcité et la sécularisation ont été des phénomènes spontanés et naturels. Je n'ai pas dit que c'était spontané et naturel. Cette Europe-là, elle a quand même été marquée par deux phénomènes. Trois, on va dire, c'est l'Europe un peu des églises gothiques, mais dans ces frontières-là, c'est aussi la guerre civile européenne, 14-18, c'est aussi les frontières de la Shoah. Donc je pense que, si vous voulez, tout ça, c'est une histoire beaucoup plus tragique quand même que ce développement spontané d'une grande civilisation que vous avez montré. Je ne dis pas du tout ce que vous dites, mais c'est, je ne suis pas du tout d'accord. Ce qui caractérise précisément l'Occident, l'Occident chrétien, c'est dès le XIe siècle, la querelle du sacerdoce et de l'Empire en Allemagne, c'est-à-dire une tension entre un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel dont on ne trouve pas trace, et le siècle suivant en France, l'opposition de Philippe le Bel, Rex Imperator in suo regno, à la fois vis-à-vis de l'Empire et vis-à-vis de l'Église. Deuxièmement, et c'est votre deuxième remarque qui me paraît très importante, sur la guerre de 14-18 et la Shoah, je suis entièrement d'accord avec le fait que c'est partie intégrante de l'héritage européen. Loin de moi l'idée de nier le caractère tragique de cet héritage. Je l'ai d'ailleurs suggéré indirectement en disant que ce qui caractérisait l'Europe à partir du 5e siècle, c'est l'éclatement de la société politique entre plusieurs royaumes qui vont devenir peu à peu des États-nations. Et c'est justement là notre problème historique depuis 1950, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale, comment bâtir. Les États-nations sont à la fois un signe d'identité européenne, car ce sont les Européens qui ont inventé les États-nations, et un facteur de division et même de destruction de l'unité européenne. Donc notre problème, c'est comment assumer cet enracinement des peuples politiques dans différents États, comment concilier l'existence de plusieurs États avec un ordre juridiquement organisés qui les permettent de converger. C'est ça le grand projet européen, et toute notre construction institutionnelle vise à atteindre ce double objectif. Merci Jean-Louis Bourlange d'avoir été avec nous ce soir pour éclairer cet enjeu de l'Europe au sein de la campagne présidentielle. Bien sûr, il reste de nombreuses questions en suspens, mais nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir dans nos prochaines émissions avec Jean-François Colosimo, qui représente ici l'orthodoxie, Jean-Luc Mouton de l'hebdomadaire Réforme. Merci à vous de votre attention pour cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, ce sera avec Louis Gauthier, député socialiste. Nous parlerons notamment de défense et de terrorisme.